Chapitre 13. Le soir, Bobino fut, comme on peut croire, exact au rendez-vous. Germaine, après un dernier et très grave entretien avec Marquisette, attendait le jeune homme dans son propre pavillon. Toujours entravé, les bras passés dans la camisole de force, le comte de Mondieu était demeuré dans une immobilité absolue. N'eût été la respiration bruyante qui s'échappait de son nez, sa bouche était, comme l'on sait, couverte d'un bâillon, on eût pu le croire mort, ou tout au moins évanoui. Germaine avait évolué froidement chez elle, sans se préoccuper de celui qui avait été son bourreau. N'ayant pas la moindre pitié, heureuse de le voir réduit à l'impuissance et comptant bientôt, grâce à Marquisette, le frapper d'une déchéance pire que la mort. Bobino entra dans le couloir du pavillon et frappa deux coups à la porte de la chambre à coucher. Germaine vint lui ouvrir sans bruit dans l'obscurité, puis, après un énergique serrement de main, lui dit « Je suis prête, partons. » « Une minute seulement, » fit Bobino en retirant de dessous de son tablier une petite lanterne allumée dont un mécanisme ingénieux cachait ou découvrait la lueur. « Que je vérifie seulement les entraves de monsieur le comte. Avec un client comme celui-là, on ne saurait jamais prendre trop de précautions. » Voyant que tout était en parfait état, il dit simplement « Allons chercher Marquisette. » 8h15 sonnait à la grande horloge de la maison de santé. Tous deux se glissèrent silencieusement dans l'énorme jardin désert, envahi par une obscurité opaque d'une nuit sans lune, sans étoiles. Marquisette, le cœur battant, les attendait. Elle chercha dans l'ombre leurs mains et, nerveusement, la leur serra en murmurant d'une voix basse comme un soufflet. « Soyez bénis pour l'effort que vous tentez en ma faveur, pour la liberté que vous allez me rendre. Merci de tout cœur. » « Silence !» fit Germaine. « Prenez mon bras. Appuyez-vous sur moi. Ne craignez rien. Je suis forte. » Et lui, le maudit, notre bourreau. Je ne suis pas cruelle, mais j'éprouverai une joie sauvage à lui planter un couteau dans le cœur. « Silence !» fit à son tour Bobino, sur lequel cette voix qu'il entendait pour la première fois et cette étreinte de la main brûlante de l'inconnu produisaient une étrange impression. « Suivez-moi !» Comme le sable de l'allée criait sous leurs semelles, en dépit des plus minutieuses précautions, Bobino les fit marcher sur les plates-bandes sans respect pour les fleurs que l'on écrasait à chaque pas. Ils traversèrent ensuite une pelouse, puis un massif, puis une autre pelouse, sans rencontrer heureusement âme qui vive, stupéfait et plus heureux encore de cette facilité. On traversait latéralement le vaste enclos, à peu près par la moitié, de façon à joindre le mur de clôture. Tout à coup, Germaine tressaillit violemment et se sentit frissonner de la tête aux pieds. Un souffle rauque et puissant se faisait entendre là, tout près, à quelques pas, sous l'épais feuillage d'un taillis. Elle se souvint de sa fuite éperdue, là-bas, au Val d'Herblay, avec les molosses qui se ruaient sur elle et déchiraient sa chair. Elle saisit le bras de Bobino et, redevenue pour un moment, la femme impressionnable et faible qu'elle était jadis, bégaya, épouvantée, en songeant au formidable gardien de la maison de santé. « Les chiens !»« Ne craignez rien, » répondit le jeune homme. « Je les ai médecinés à ma façon. » On disait qu'ils n'acceptaient rien que de la main de ceux qui les nourrissent ordinairement. Des blagues. Je leur ai offert à chacun un bon morceau de foie de cheval cuit dans le pot-au-feu. Une friandise à laquelle ne saurait résister le cabot le plus incorruptible. J'avais eu la précaution d'introduire dans chacun de mes morceaux de foie une pincée de strychnine. Ils ont gobé l'haricot, l'ont avalé, puis ils n'ont pas fait ouf. Ce que vous entendez là, c'est l'un d'eux qui a la vie un peu plus dure et renacle. Sale bête, vous ne mordrez plus personne. Quelques moments après, ils se trouvaient arrêtés par le grand mur, et Germaine, à peine rassurée, faillit mettre le pied sur une masse qu'agitait encore de convulsifs soubresauts. Bobino sifflotait doucement la triste et endormante fanfare bien connue des troupiers, l'extinction des feux. Un joyeux air de chasse lui répondit. Cela venait d'en haut. « C'est toi, Michel ? » demanda Bobino. « C'est moi. Germaine est là. »« Oui. »« Michel, vous ici. Oh, merci !» dit la jeune femme, qu'une indicible émotion étreignait. « Cher Germaine, dans un moment nous serons réunis. » Chut ! Interrompit Bobino. Pas de sentiments, pas de phrases. Et haut le pied, l'échelle. Invisible et debout sur le chaperon du mur, le prince descendit avec précaution une légère et solide échelle de bambou. Bobino l'accota en tâtonnant et dit à Germaine « Montez !» Elle obéit et lestement franchit les échelons qui craquaient. « À vous, madame, » dit-il ensuite à Marquisette. Et comme elle ne trouvait pas l'échelle, il lui prit les mains, les mit sur les montants et lui demanda « Vous n'avez pas peur, vous vous tiendrez bien. » Sa voix avait des inflexions d'une tendresse infinie. Il se sentait pour cet inconnu des attentions qui lui semblaient encore au-dessous de ce qu'il aurait voulu faire, tant il éprouvait un besoin inouï de se sacrifier. « Merci, mon enfant, » répondit doucement Marquisette. « Je ferai de mon mieux. »« Mon enfant ?» Ces deux mots proférés dans l'obscurité lui firent monter aux yeux deux grosses larmes, et oubliant qu'il était déguisé en femme, caricaturé en échappée de Mardi Gras, il lui prenait des envies d'étreindre passionnément cet infortuné qui avait tant souffert, dont l'existence avait été un affreux martyr et qu'il rendait, lui, à la liberté. La puissante main du prince, tendue vers Marquisette, empêcha celle-ci de faiblir. « À votre tour, mon ami !» fit Germaine, demeurant sur le mur pendant que Michel faisait opérer la manœuvre inverse à la fugitive, sur une seconde échelle dressée de l'autre côté dans la propriété voisine. Malgré les nippes dont il était affublé, Bobino grimpa lestement, puis arrivé près de Germaine, dit de sa voix basse. « Voilà qui est fait. Michel a tout préparé et tout exécuté avec une précision superbe. Veuillez descendre. » « Mais où sommes-nous ? » Chez le voisin du docteur Castanet. « Un nommé terrain vague, que Michel a dû acheter ou louer depuis votre internement. » Le prince se trouvait au bas de l'échelle, avec Marquisette, incapable de croire à la réalité de sa libération. Germaine la rejoignit, puis Bobino, après avoir retiré la petite échelle. « Et mon paquet d'effets masculins ? » demanda-t-il au prince après un rapide serrement de main. « Là, au pied du mur. » « La voiture ?» « Devant le palissade, avec Matisse sur le siège. »« Bon, le temps d'enlever ses oripeaux et de me costumer plus convenablement. » Germaine et Michel échangeaient une étreinte rapide et passionnée. Bobino revêtait les habits de son sexe, faisait un paquet de la robe, du bonnet et du tablier de la surveillante, puis, par bravade, l'envoyait par-dessus le mur. Tous quatre franchissaient ensuite la palissade circonscrivant le terrain vague et arrivaient devant un landau qui stationnait, lanternes allumées. Bobino serra la main de l'homme qui tenait les guides et lui dit simplement « Tout va bien à Saint-Germain, Matisse ?»« Oui, mon ami. » « Très bien. » Les fugitifs prirent aussitôt place dans la voiture qui partit à fond de train. Matisse, qui avait reçu la consigne du prince, les conduisit rue Euler, où ils arrivèrent sans incident. « Et Suzanne ? Et Marie ?» demanda Germaine au moment où l'attelage s'arrêtait. Suzanne a cédé aux instances de celui qu'elle aime. Elle a quitté la maison du comte de Mondieu, accompagnée de sa parente, Madame Charmé. Elle est à Saint-Germain avec Berthe et Marie, en sûreté. Du reste, Maurice est près d'elle. Il s'est constitué le fidèle gardien de la maison, et nous n'avons rien à craindre de ce côté. « À merveille !» fit Germaine, qui examinait avec sang-froid toutes ses différentes positions et opérait en conséquence. Le comte, en venant bêtement se faire prendre à la maison de santé, a tellement précipité les événements que nous touchons au dénouement de cette lugubre histoire. Maintenant, il serait urgent, essentiel, de frapper un dernier coup. Ils descendaient de voiture. Michel donnait la main à Germaine et Bobino aidait Marquisette avec des soins, des attentions de bon fils, aimant et respectueux. Quand ils furent arrivés dans le grand hall du rez-de-chaussée, Germaine dit à Marquisette « Madame, veuillez vous considérer ici comme chez vous. Je vais faire servir à souper. Puis, si vous êtes fatiguée, vous pourrez, quand bon vous semblera, vous retirer dans votre chambre. » « Merci, madame, » fit lentement la recluse, pouvant à peine se faire à l'idée qu'elle était libre. « Je n'ai pas faim. Je ne suis pas lasse. Je n'en accepte pas moins de tout cœur votre hospitalité. Mais nous n'avons pas autre chose à faire que de nous reposer, ces papiers que je vous ai promis. »« Où sont-ils ? » fit vivement Germaine. « En lieu sûr, bien caché, mais assez loin d'ici. Saurez-vous les retrouver ? Je vois encore la place où je les ai moi-même enterrés. Ne serait-ce pas trop abusé que de vous prier de nous y conduire ? Volontiers, mais il y a de longues indications à fournir à votre cocher. Il faudrait d'abord connaître le chemin d'Herblay, puis qu'il pût nous mener au vieux château ruiné. Oh ! Interrompit Germaine avec vivacité. Nous ne connaissons que trop ce lieu maudit. Eh bien, dans le souterrain, au pied d'un pilier. C'est là que depuis si longtemps est enfoui ce précieux dépôt. Mais, observa Bobino, il n'est pas encore 10 heures. Nous pouvons y filer sans retard et arriver là-bas avant minuit. Puisqu'il est ainsi, partons, fit Germaine avec sa décision habituelle. Et de là, nous pourrons rallier Saint-Germain. En prévision d'une lutte, le prince Bérézov avait armé tout le personnel de la petite expédition. Chacun portait un revolver et un solide couteau, excellent pour les corps à corps. On adjoignit par précaution à cet armement quelques provisions solides et liquides au cas où l'expédition se prolongerait. Comme l'avait prévu Bobino, la voiture arrivait à 11h30 chez Mauguin, où elle fut remisée. Pour faire nombre, le brave pêcheur s'adjoignit de bonne volonté aux 3 hommes, se munit d'une bêche et d'une lanterne, et l'on partit pour le cabaret de l'Ichamor. Michel donnait le bras à Germaine, et Bobino à Marquisette qui marchait nerveusement. Quand on fut devant la grille rouillée, Bobino ramassa une pierre et cogna de toutes ses forces. À pareille heure, le sinistre cabaret était vide, et les ignobles tenanciers devaient cuver les vitrioles dont ils avaient coutume de s'abreuver copieusement. Malgré un tapage d'enfer, rien ne bougeait. Michel, Bobino, Mauguin et Germaine se demandaient si on allait être arrêté par ce premier obstacle, quand Mathis s'avisa simplement de tourner la grosse boucle de fer servant à actionner la serrure. Brusquement, la porte s'ouvrit toute grande. Elle n'était pas fermée à clé, ni au verrou. Ils entrèrent en groupe compact dans la cour, et Bobino, arrivé devant l'entrée du cabaret, reprit son tintamarre. Enfin, après 10 minutes d'un vacarme insensé, on entendit la voix de l'Ichamor parlementer derrière les volets garnis de fer. Il demandait ce qu'on voulait. Pardieu, s'amuser, rigoler, boire, manger. On était une demi-douzaine avec les dames, en partie fine, super fine, extra fine. On avait de la monnaie. Et Bobino, qui avait l'air d'un éméché à faire frémir, secouait une demi-douzaine de pièces de 100 sous dont le tintement opérait peu à peu sur la cervelle abrutie de l'Ichamor. Le vieil ivrogne finit par ouvrir quand on lui eut promis qu'il participerait à l'abondance. Mathis entra le premier, empoigna par un bras l'ancien universitaire et lui dit d'un ton qui ne souffrait pas de réplique. « Allonge tes pattes, qu'on les attache. Donne ta lanterne et pas un mot, si tu ne veux pas qu'on te fasse passer le goût du torboyau. » Bobino, pendant ce temps, refermait à double tour la porte de façon à éviter toute surprise. Il demanda ensuite « Où est la vieille ?»« Elle dort !» balbutia l'Ichamor, vert d'épouvante, en reconnaissant Germaine et le jeune Tipo. Très bien, on va la ficeler également et lui appliquer, comme à monsieur le comte, un joli baillon sur le museau. Monsieur le comte est pris ? Fit encore l'ivrogne. Un peu, mon vieux, il n'emmène pas large. Que veux-tu ? C'est la revanche. Quant à toi et à ta vieille, tâchez d'être sage si vous voulez qu'il ne vous arrive pas de bobo. Mauguin, qui connaissait la disposition du souterrain, prit la tête, muni de sa lanterne. Bobino suivit, portant également une lanterne, celle de l'Ichamor. Marquisette venait après lui, puis Germaine, puis Mathis, et enfin le prince Bérézov. Quand ils furent arrivés au fond de l'ancienne carrière où jadis Berthe et Marie avaient été enfermées, Marquisette pria qu'on allumât d'autres bougies pour éclairer l'énorme souterrain. Quand il y eut une lumière assez intense, elle se recueillit et murmura « C'est bien cela. Je me reconnais. » Elle fit quelques pas, examina les piliers situés non loin de l'entrée comme si elle cherchait sur l'un d'eux un signe particulier, un indice, une marque. Tous plus ou moins s'étaient effrités, et la pauvre femme hésitait, tournait, tâtonnait. Elle ne retrouvait plus cette marque grâce à laquelle on devait retrouver le dépôt. Elle avisa un pilier sur lequel se remarquaient des érosions et dit « Ce doit être là. » Aussitôt, Mauguin se mit à fouiller avec sa bêche, et en un rien de temps fit un trou circulaire assez profond. Il n'y avait rien. Germaine se sentit frémir, et songeant aux propos tenus par les aliénés avec une apparence de raison réellement stupéfiante, se dit « Serait-elle réellement folle ? Tout ce qu'elle m'a raconté sur mon Dieu ne serait-il qu'une histoire inventée de toutes pièces par un cerveau de dément ? Oh, ce serait affreux !» Marquisette, surexcitée par les efforts de mémoire, ouvrait les yeux tout grands, plissait le front, crispait ses doigts et avait en réalité l'air d'une folle. Elle allait d'un pilier à l'autre, murmurant d'une voix sourde. « Est-ce là que j'ai creusé le trou, là, au pied de ce pilier ? N'est-ce pas plutôt au pied de cet autre ? Oh, malheur ! Malheur sur moi, je ne sais plus ! Je ne sais plus !» Sa respiration se précipitait. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son front et sur ses joues. Un tremblement convulsif l'agitait. En vérité, elle ne se souvenait plus de rien. Les angoisses d'une claustration si longue avaient-elles oblitéré sa mémoire ? Les modifications apportées au souterrain par les intempéries, les éboulis successifs, étaient-ils cause de ce mécompte ? Les spectateurs de cette scène navrante se sentaient frémir en songeant qu'ils touchaient peut-être ces documents qui terrasseraient l'ennemi, le réduiraient à l'impuissance et assureraient leur tranquillité à tous. Décidément, c'était bien fini. Marquisette ne se rappelait plus. Mauguin avait fouillé au hasard sur deux nouvelles indications et n'avait rien trouvé. De rauques sanglots soulevaient la poitrine de la malheureuse femme. Ses yeux s'emplissaient de larmes et elle s'écriait brisée. « Seigneur, Seigneur, vous ne voudriez pas qu'une pareille iniquité s'accomplisse. Donnez-moi la mémoire. Faites que je me souvienne. » Tout à coup, Germaine eut comme une inspiration. Sans rien dire à personne, elle se tourna vers Michel, qui la contemplait désolée, et prononça tout bas ce seul mot. « Dormez. »« Je dors, » fit docilement le prince. « Madame, » continua Germaine en s'adressant à Marquisette, « veuillez donner la main au prince. Vous, Michel, mon ami, tâchez de vous identifier complètement avec madame, de vous souvenir à sa place, de voir également. Hâtez-vous, mon ami, il le faut. » Berezov, tenant la main de Marquisette, contractait ses traits comme s'il faisait appel à de lointaines et difficiles ressouvenances. Après une longue minute d'effort, il dit à Germaine « Je vois. » « Que voyez-vous ? » Une femme portant deux bouteilles bien cachetées de cire et enveloppées dans du foin. « Oui, oui !» fit Marquisette. « C'est bien cela !» Michel continua de sa voix un peu atone d'hypnotiser. Il y a autour du foin une grosse étoffe de toile bise, attachée avec des ficelles. La dame tremble. Elle a peur. Elle est bien malheureuse aussi, car ses yeux sont pleins de larmes. Que fait-elle maintenant ? Continua Germaine. Elle fouille un trou avec une petite pelle à la main. La besogne avance lentement. Elle dure longtemps. Enfin, le trou est creusé. Elle y met le paquet, le recouvre de terre, piétine la place et dessine avec le bord de la pelle une sorte d'étoile dans le tuf du pilier. C'est donc au bas d'un pilier qu'elle a creusé. Oui. Où est-il ce pilier ? Je ne le vois plus. Il s'est écroulé. On a enlevé les débris. C'est vrai, il n'y a plus rien. Cherchez, mon ami, cherchez cette place, fit Germaine d'un ton d'autorité. Le prince, tenant toujours la main de Marquisette, avança, tâtonna, sembla chercher péniblement, pendant que celle-ci, les yeux fixés sur les assistants qui regardaient anxieux, semblait dire « Vous voyez bien, je ne suis pas folle !» Michel paraissait faire des efforts inouïs de mémoire. Enfin, il s'arrêta sur une petite éminence qui bossuait le sol du souterrain et dit « C'est là. Vous êtes bien sûre ?»« Oui, Germaine, absolument sûre. »« C'est bien, mon ami, souvenez-vous et éveillez-vous. »« Mauguin, veuillez encore une fois creuser. » »« À vos ordres, ma chère dame, » fit le brave homme en reprenant vivement sa besogne. Deux minutes après, il mettait à découvert des lambeaux d'étoffe et quelques brindilles de foin. « Doucement. Doucement, » fit Bobino. Marquisette s'était jetée à genoux au bord du trou et criait « C'est là ! Oui, c'est là !» Mauguin s'interrompit de nouveau et fouilla avec ses doigts. Il se releva bientôt en criant de toute la force de ses poumons. « Victoire ! Victoire ! Nous sommes des bons !» Il tenait dans ses mains deux bouteilles à large col, soigneusement cachetées, à travers les parois desquelles transparaissaient vaguement des papiers enroulés. Germaine les saisit avec une vivacité fébrile, et ne pouvant attendre plus longtemps pour vérifier ses documents, les cassa l'une contre l'autre au risque de se blesser. Les papiers, soustraits à l'humidité, étaient absolument intacts. Germaine les déroula fiévreusement, au hasard, et lut. Acte de naissance de Georges Henri, fils de Marie-Anne Cornic et Gaston-Henri de Mondieu. Acte de naissance de Jeanne-Marie-Suzanne, fille de Marie-Anne Cornic. Acte de décès de Gaston-Henri de Mondieu. Testament holographe, etc., etc. Toutes ces mentions étaient écrites au crayon bleu sur le verso des papiers imprimés, de façon à éviter toute recherche. Convaincue de l'authenticité de ces pièces, Germaine les réunit ensemble, les remit à Michel, qui les serra précieusement dans la poche intérieure de sa jaquette, et pour plus de précaution, se boutonna de haut en bas. Il n'y avait plus qu'à remonter, après cette expédition dont le succès était complet. Avant de s'engager dans l'escalier aux marches branlantes, Germaine saisit la main de Marquisette et lui dit avec une sorte de solennité « Grâce à vous, madame, nous allons enfin pouvoir vivre en repos. Tout nous favorise aujourd'hui jusqu'aux manœuvres de l'ennemi, sur lequel notre victoire est complète. » « Ça, c'est vrai !» interrompit Bobino. « S'il ne t'avait pas endormi de force et suggestionné comme il l'a fait, du diable si tu aurais pu retrouver ces papiers. N'est-ce pas, Michel ?»« Aussi, » reprit Germaine, s'adressant toujours à Marquisette, « je n'ai pas besoin de vous répéter ce que je vous ai déjà dit. Vivez près de nous. Que notre famille soit la vôtre. Oh, nous vous aimerons. Vous ne serez plus seuls. Votre sécurité sera complète. » Merci. Oui, j'accepte ma famille. Oh oui, ce serait si bon. Mes enfants, si je pouvais seulement espérer les revoir, quel trésor d'affection j'aurais pour eux. Espérer, fit encore Germaine. Quant à moi, je les rechercherai avec une véritable passion, pour vous donner ce bonheur dont vous êtes si digne, pauvre et cher martyr. Oui, espérer.